P caliente. L'équipe est OP, fait danser les requins. Je vais de là où on participe que pour le record. Elle est OP, je l'ai vu dans les regards. Elle sait qu'on participe que pour le record. Paye ta bouteille, on boit le cocktail à 10. Soir, je suis pas proche, pour ton hôtel à 2. Touche à rien, on demande comment faire la 10. Surveille ta minette, elle reste au terrasse. Bon, assis, mais c'est flotter la vanilla. Je vais de là où la police joue le cavalier. Elle a absolument compris de l'employeur. Avec l'équipe, on est sauce depuis l'escalier. Tous mes patrons, c'est des scapopo. Elle laisse la douce, elle touche la coco. Ça sort des blocs, ça. C'est le bac, ça. Ça sort des blocs, ça.